Cette semaine, nous poursuivons notre Retro Undead 2013, rétrospective qui, selon notre point de vue, représente les highlights des sorties métal de l'année dernière. Pour ce faire, et comme vous l'avez probablement constaté lors de la dernière édition, les choix qui vous apparaissent intéressants et de bon goût sont les miens. Ceux qui sont plus ordinaires, voire carrément mauvais, sont ceux de Sinistros, et il y en a. Débutons cette deuxième partie sans plus attendre et abrégeons vos souffrances. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant qui finalement n'ont ni l'un ni l'autre bon goût, du moins sans cuisson. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is our fucking business. We are undead, incorporated, 'cause we said so. Zombie Queen, go! souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation. En ce 14 janvier de l'an de disgrâce 2014, je suis le Dr. Pain Pendragon et mon assistante gobelin, eh bien, je vous donne 3 chances pour deviner c'est qui. C'est qui? Hell Satan. Farceur et plaisantin que tu es. C'est Sinistros, bien entendu, vous l'aurez reconnu, ce cabotin des ondes. Eh oui. Comment allez-vous? Toujours fidèle au poste. Ah, c'est toute une réponse à savoir comment tu vas. Oui, c'est okay. Pas tes affaires. Et qu'est-ce que tu fais ici? Je ne sais pas. Faut que tu dises je vais bien. Je vais bien. Je vais bien. Deuxième chapitre de la Retro Undead. Eh oui. Qui ne se terminera probablement pas ce soir. Hein? On n'aura pas le choix parce que là, on n'a pas d'Internet. Ça fait qu'on ne peut pas faire le ciné Undead. Non, on ne peut pas faire le rétro ciné Undead. On n'a pas d'Internet. On ne pourra pas non plus infirmer nos informations erronées parce qu'on n'a pas accès à aucune source de vérité. Donc, on va toujours juste faire une troisième émission. Pas le choix. Oui, ben en fait, c'est déjà prévu de toute manière. Ça, c'est pas obligé de le dire. Non, c'est vrai. En fait, c'est la deuxième partie. Il y aura une troisième partie. Et si nous sommes suffisamment... Désagréables. J'allais dire, si nous sommes suffisamment structurés, nous ne devrions pas aller au-delà d'une troisième partie. Mais qui sait? Qui sait? Parce que vois-tu, moi, j'ai quand même rajouté un truc depuis la semaine dernière. Là. Bon. Oui. Puis tu m'as pas envoyé ta copie. Ben, je voulais pas te le dire, c'était une surprise. Ah. Puis tu vas le savoir seulement à la fin. Ah, OK. Bon. Donc, la semaine prochaine. Ben, possiblement. Ou à l'autre, là. C'est à voir. Hein. D'accord. Deux premières pièces d'ouverture pour cette émission, qui étaient des parutions du 10 avril dernier, parce que nous avons conclu la semaine dernière avec le 26 mars, qui était avec Velertak, bien entendu, un doublé de Velertak avec deux pièces tirées de Mir. Cette fois-ci, deux pièces tirées de l'album... le deuxième opus de la formation Ghost BC, ici en Amérique du Nord, bien entendu. Ça, c'est le frère à Bison. Oui. Ghost et Bison. Comment s'appelaient leurs parents déjà? Je ne sais pas. Genévrier? Oui, peut-être, oui. L'album étant Infestissumam, qui est paru, comme je l'ai dit, le 10 avril 2013 sur l'étiquette Loma Vista. En ouverture, nous avons entendu les deux pièces suivantes, soit Indissociable, Goulet et Zombie Queen, qui, pour ma part, est ma deuxième préférée. Ben, c'est une très, très bonne pièce, effectivement. On a entendu Ear Zero, Ghost, qui nous revient avec un deuxième album. La barre était très haute avec l'excellent opus éponymus. Mm-hmm. On n'était pas trop sûr à savoir si la formation était capable de relever le défi. Eh bien oui, tabarouette. Ils ont très bien relevé le défi. Ben, en nous offrant quelque chose de vraiment différent du premier album, ouais, tout en gardant le racine. Oui, l'esprit est là. C'est différent, comme tu l'as dit. Je sais que toi, tu l'as placé dans ton top 10. Je ne sais plus à quelle position. On ne peut pas le valider là. Je ne l'ai pas en mémoire. Il est deuxième, je pense. Deuxième position. Ouais. Moi, il n'apparaît pas dans mon top 10 de 2013. Si tu ne connais rien. Oui, c'est ça. Je ne connais rien. Ben, en fait, oui, je connais plein de choses, mais pas ça. OK. Non, je n'ai vraiment pas détesté l'album. J'ai trouvé que c'était un bon album et que oui, je suis d'accord qu'ils ont relevé le défi jusqu'à une certaine limite. Pour ma part, je m'attendais à ce que l'album soit beaucoup plus guitare que ça, qu'il soit un peu plus... En fait, le premier est joyeux, mais il est dark en même temps. Mmh. Tandis que celui-là, je trouve qu'il était un petit peu trop joyeux à mon goût. Tu sais, Ben, j'ai un petit côté psychédélique, new wave parfois. Écoute, en spectacle, ça demeure extraordinairement bon. Sûrement. C'est vraiment très, très bon. J'ai eu la chance de voir Ghost toutes les fois qu'ils sont venus ici. Je parle pas ici, dans la morgue, là, bien entendu. Quoique, ça serait cool, là. Ouais, effectivement. Tout le monde voudrait avoir Papa Emeritus comme voisin, par contre. Mais c'est parce que c'est le voisinage seulement de nuit. c'est le jour, ça pas vraiment. Mais j'ai trouvé le spectacle, le dernier spectacle pour cette tournée qui était vraiment extraordinaire aussi. Mais j'ai encore une préférence, évidemment, pour le premier album de Ghost. Ben, moi, c'est égal. Ouais. J'ai pas de préférence. Mais tu sais que je pense que je suis un irréductible, ou en fait quelqu'un qui fait l'outsider là-dedans, parce que tous ceux que je connais qui aiment Ghost aiment autant le deuxième que le premier. Okay. Je suis à peu près le seul à dire que je trouve qu'il y a des petites affaires qui m'achalent. Toi qui le sais. Ben, je commence à me le demander. T'es en train de te demander si t'es normal. Eh bien, non. Non, merci de me le confirmer. J'avais des doutes. Écoute, on a quand même pas mal de stock qui s'en vient ce soir. Là, on va essayer de se rendre tranquillement vers le mois de juin. Ouais, c'est le mois de juin qui est visé. Parce qu'il y a eu quand même quelques trucs intéressants. J'en doute. On va continuer tout de suite avec... puis on va changer un petit peu notre formule, contrairement à la semaine dernière. La semaine dernière, on avait adopté une formule qui était plus standard, c'est-à-dire un bloc, une intervention. Mais là, je pense que ça vaut la peine qu'on fasse... Parce que ça dépend quand il y a des doublés seulement. Quand il y a des doublés, de faire des interventions, parce que ça justifie pourquoi ton choix et le mien, oui, qui sont en commun, bien souvent, pas pour la même pièce, évidemment, mais pour le même album, la même formation. Donc, on va revenir au micro un peu plus souvent, mais tout de suite, on y va... Encore une fois avec un doublé. Ben oui. Formation italienne qu'on a découvert au cours de... C'est-à-dire, on a découvert la formation à la fin de 2012. Ouais, parce ouais. qu'il est arrivé une petite pause qu'il y a des... la formation Aid, qui est italienne, était sur un label, ouais. sur son précédent album. Et le label a lancé des promos de Spartacus que j'ai reçu une copie. Oui. Fait que moi, j'avais fait le review de cet album-là, mais diantre, j'ai reçu un courriel de la part du management de Aid me demandant de bien vouloir... Cesser toute activité musicale. Cesser toute activité, oui, c'est ça. Non, mais genre, quand même très gentiment oui, oui. Pour éviter, parce que il m'expliquait qu'il n'y avait pas signé avec le label en question, mm-hmm. qui était Cascade Music, je pense, puis qu'il magasinait plusieurs labels, puis d'attendre avant de poster la fameuse review, finalement. Mm-hmm. Donc, l'album est sorti sur Blasted Records au début des années 2000. Au début des années 2000, oui. Mais en non, fait, tu vois, c'est le seul album que nous avons dans notre top 10 respectif qui est à la même position, en sixième position. Oui, oui, ben c'est 6 parce qu'on n'était pas 3. Ben c'est ça. Il manque un 6 à quelque part. C'est pas la Trinité satanique, c'est le comment on appelle ça? Le duo. Il était juste 2. Oui, c'est ça. Mais tu vois, moi je connais pas Blasthead Records, je connais pas ce label-là. J'ai aucune idée. Ben c'est un label, ça fait pas des années qu'il fonctionne, puis... ça fait quelques albums que je reçois d'eux autres. Ben, okay. c'est un gars. Un okay. gars, lui, il était à Halifax. Pis, OK, c'est canadien. Oui, c'est carrément canadien. OK. Il a sorti un album de perversion. Ben, c'est tous des albums de perversion, de toute façon. Là. oui. Non, ben, le band, c'est Perversion. Ils viennent des Émirats Arabes Unis. OK. Puis dans ce groupe-là, il y a des anciens membres de Nephilim. Ah oui, c'est lui qui a sorti ça. Ouais. Là, il y en a sorti quelques autres qui sont tout aussi intéressants, dont j'oublie les noms. Vous êtes vraiment intéressant. Ben oui, mais c'est sûr, intéressant et plusieurs autres. D'accord. On va faire le doublé, comme Sinistros le disait. On va entendre The Endless Runaway, suivi de 6000 Crosses. Et soit dit en passant, Spartacus, évidemment, est un album concept. Il raconte, grosso modo, musicalement... L'histoire de Calimero. Là. Oui, c'est ça. Des de Pierre Lecanard, c'est pas vrai, c'est Calimero. mais... Il raconte grossièrement, je dirais pas grossièrement, mais disons de façon en survol, dès lors que Spartacus était fait prisonnier par les légions romaines pour devenir gladiateur et la révolte. Ben, faut comprendre que Aid vont chercher leur source et leur inspiration chez leurs ancêtres romains. Oui. En incorporant parfois, avec le death metal assez brutal, oui. La musique ancestrale qui servait aux guerriers, qui, curieusement, avaient volé la musique des Grecs. Oui. C'est comme juste drôle, là. Oui. Parce que les Romains étaient trop stupides pour être capables d'inventer de la bonne musique. Mais parce que les Romains, c'est des conquérants, donc ils s'appropriaient les choses. On n'a pas le temps de faire la musique. On va s'approprier les choses. Toi, t'en as de la bonne, OK, donne-moi-la. Non, on va la prendre. C'est ça. Oui, c'est ça. Donne-moi-la, s'il te plaît. Oui, c'est ça. Fait à souligner, c'est Georges Collias de Nile qui drame sur l'album. Et ça paraît. Ça paraît, c'est sûr. Écoute-moi, c'est un très bon album de 2013. On va se taper tout de suite deux tournes, comme je l'ai dit. Hey, formation italienne qui s'est paru le 16 avril dernier. Go! We'll be right back.

de Pink Floyd à Genesis, en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas, Rock de Neurones, les lundis 20h. Découvrez la magie de la Méditerranée à deux pas de chez vous, au restaurant El Taouk, cuisine libanaise, shish taouk, shawarma, plats végétariens ainsi que spécial sur trio. Spéciaux étudiants. Surveillez les coupons rabais dans votre journal Zone Campus. Profitez de notre nouveau service de livraison. 840-6996. Le El Taouk, 3025 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. C'est 9h40 et l'émission tire à sa fin. Et sur ce... Allez tous faire voir cette fois-là. Parce que tous les semaines, maintenant, on raccourcit de 15 minutes. Puis dans pas si long que ça, ben, on va vous en devoir. C'est ça. 6,000 Crosses, c'était la pièce que j'avais choisie de la formation italienne Aid, tirée de l'album Spartacus, qui est paru le 16 avril dernier sur l'étiquette Blast Head. Et toi? Ben, moi, j'avais choisi Endless Runaway parce que je trouvais le petit début vraiment ouais. Typiquement romain. Absolument. Tu sais, t'as l'impression d'écouter un épisode de Rome, là. Tu sais, quand c'est comme. Tu sais, un peu comme quand Tito Spoulos, là, tu sais, il est comme un peu mêlé, là, puis qu'il déambule dans les villes. Il est pas toujours mêlé, lui. Oui, mais tu sais, quand il est plus mêlé d'habitude. OK, là. Oui. Puis que, tu sais, il déambule dans les rues de Rome, là, puis tu vois là, comment ça se passe, là, qu'il bosse, tu sais, il me semble que ça fit tout, là. C'est... As-tu vu la série Spartacus? Non, pas encore. Écoute, il faut vraiment que tu vois ça, parce que moi, toutes les fois que j'écoute Aid, je trouve qu'ils ont vraiment bien ciblé, je te dirais, l'imagerie musicale. C'est incroyable. Ça va vraiment bien avec les highlights des épisodes. Là, c'est incroyable. Okay. C'est vraiment incroyable. Très bonne formation. Très, très bonne formation. Et okay. On attend avec impatience un prochain album. Et, en tout cas, moi, j'essaie de trouver le premier. Je pense m'envoyer un email à M. Blasthead pour lui demander. Mais il s'appelle le même? Hein? Oui. Oui. Oui. M. Blasthead. C'est le frère à côte. Bon, mais sais-tu que je trouve que t'as un petit peu trop d'esprit ce soir? D'accord. Bon. Je pense que je la comprends pas. T'en comprends pas? Non. Non. T'as jamais vu les Coneheads? Oui. Oui, ben c'est mais ça. Je comprends pas plus. Ok, tu comprends pas plus. Non. Mais d'ailleurs, je sais même pas ce que tu me dis là. Où es-tu? Es-tu là? Hein? On va poursuivre musicalement dans quelques 25 minutes, mais en attendant, on a des blagues à vous conter. Poursuivre. Le 26 avril dernier, sortait la dernière apparition de cette formation à Le Monde, soit Sodom, l'album Epitome of Torture sur l'étiquette SPV. D'ailleurs, je trouve ça assez étrange qu'il soit sur SPV, mais ça n'a pas une très bonne réputation, SPV. Hein? Pas tellement. Ouais, enlevez-vous. C'est peut-être les seuls qui voulaient signer. Ben, Udo, il n'est pas là tout aussi. Non, Steve Hammer, là. Il est AFM. OK, AFM Records. Ça. Ouais. Sodom, c'est une formation qui existe depuis la fin des années 80, qui donnait dans un métal, je dirais, trash beat, assez tout croche à l'époque. C'était la mode, je pense, hein, à l'époque, dans les années 80, d'avoir une formation qui jouait vite, mais mal. Là, c'était ben, ce que je trouve le plus drôle, c'est qu'on dirait que les formations trash d'aujourd'hui, il y a un trend de ça, parce que vous ne l'avez pas pantoute. Non, autres. Parce qu'à l'époque, eux autres, c'était pas volontaire. C'était naturel. Juste une joke. J'écoutais dans ma voiture aujourd'hui le nouvel album de Suicidal Angels. Suicidal Angels que j'avais présenté l'année dernière avec un album quand même assez bon. Et là, c'est pourri, là. Ah oui? Ben, grand-mère? Hein? Grand-mère? Ouais, mais grand-mère, elle pourri, bon. OK. Tu vois vraiment que cette bande-là, ils vont cloner tout ce qui s'est fait, là. Okay. T'as des passes à la Slayer, t'as des passes à l'Exodus, t'as même des passes à la Justice for All de Metallica, là. Hein? Oui, c'est pathétique, là. OK. Tu sais, quand t'es rendu, tu fais du trash metal, pis t'es bête, tu sais, que ton premier album était quand même du trash plus original que la moyenne, puis que tu te rabaisses à faire des clowneries de clones pour pouvoir aller chercher un plus vaste auditoire. Ouais, ça, c'est assez pute à mon goût, premièrement. Moi, je trouve ça très, très, très, très, très moche. Oui, là, oui. Mais tu sais qu'on en a parlé à plusieurs reprises. Le trash metal actuel, ce qui sort depuis, je dirais, peut-être les 3, 4, 5 dernières années. Moi, personnellement, je trouve que c'est typiquement de la merde. C'est pas très bon. Non. C'est pas très bon. Il y en a 1/10 qui fait un album qui est correct. Puis les autres albums sont pas bons. C'est ça. C'est le premier album qui... Tu sais, le gros trip pour Warbringer, c'est un exemple. Warbringer qui a sorti un bon album. C'était le premier, le deuxième, t'as pas sipé, troisième, t'as vraiment épouvantable. Waslam ont fait la même chose. Premier album, excellent. Deuxième album, c'est pourri à l'os. Tu sais, Warbringers, on prend encore cet exemple-là, sortent des albums de façon régulière. OK? De façon assez régulière. Ils sont systématiquement, tu sais que tu vas avoir un album qui va sortir l'année d'après ou des fois même pas tout à fait un an après. C'est le principe un peu que, je dis pas que toutes les étiquettes, toutes les maisons de disques sont comme ça, mais c'est le principe qu'il y avait dans les années 80, puis je reviens toujours avec le même exemple que Razor. Oui, mais Razor de sortir 2-3 albums dans l'année, ça n'a pas de bon sens, tu brûles ton band maintenant de le dire. Mais c'est ce qui arrive en même temps, c'est qu'aujourd'hui, on dirait que il y a certains jeunes qui veulent se la jouer old school. Oui. Parce que toutes ces bandes de trash-là, ils se déguisent en années 80, là, t'as l'air cave en 2014, là, bien de même. Excuse-là. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, ils se déguisent. Oui, ils se déguisent. Avec les culottes serrées, tu vois à poche sortir avec les souliers blancs. Hey, j'ai regardé les métalloïdes des années 80 de même, j'ai quasiment honte de dire qu'est-ce qu'ils savent. Ouais, mais disons qu'à l'époque, c'était comme ça. Oui, oui, t'sais, mais tu t'habilles pas de même en 2014. Mais il y a une chose. Mais il est en feu! Il y a une chose qui reste là-dedans, c'est une strosse qu'il faut pas perdre de vue. Quand tu dis il se déguise en old school, être old school, là, ça s'improvise pas. Non, faut que tu l'aies vécu. C'est ça. Faut que tu l'aies vécu pour savoir qu'est-ce que c'est. Tu peux faire ressembler à d'Italien, toi, là, mais tu le seras jamais. Hé, mais qu'est-ce que t'as contre mon accent, toi? Ben, à peu près tout, oui. OK, c'est ça. Tu sais, donc, bref, le trash, vive le trash. Mais toujours est-il que oui, c'est un band de trash qu'on va parler. Ça, c'est old school. Oui, c'est old school. Wow. C'est actuel encore aujourd'hui, comme je le disais, dans les premiers balbutiements de cette formation-là. Sodom, c'était pas très bon. Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus pittoresque de réécouter ça, parce que ça a une espèce de folklore qui vient autour. Mais à l'époque, c'était pas... À l'époque, on savait que c'était déjà pas droite-droite, mais on faisait pas mal abstraction de ça, parce qu'on se disait, ben, les bandes sont pas toutes droite-droite, puis c'est ça, puis c'est nouveau, puis ça sort. Avec quelques années après, on s'est dit, ouais, c'était vraiment pas droite. Maintenant, c'est un band qui s'est nettement amélioré. C'est dû à des vieux routiers, tu sais. C'est sûr que certains, qu'avec les années, ils sont allés chercher des meilleurs batteurs, Ou ils sont allés chercher des métronomes aussi, tu sais. Ça existe, ça? Ben, c'est peut-être une légende encore. Ils sont allés chercher des outils de travail qui leur ont permis de devenir droite et très droite. Ça devient pas encore une musique qui faut encenser à n'en plus finir, mais je pense que il y a des bonnes choses qui sont encore de ces bandes-là. Puis moi, Epitome of Torture, je trouve que c'est un des bons albums trash qui est sorti l'année dernière. Parce que je le considère comme étant, entre guillemets, oh, valeur sûre. Avec Death Angel, Effectivement. Donc, on va entendre la pièce Shoot Today, Kill Tomorrow de Sodom, tirée de Epitome of Torture. Tout de suite après, on va entendre un doublé de Satan, formation Made in UK, dont l'album, le deuxième album proprement dit, après pratiquement 30 ans. Life Sentence est paru le 29 avril dernier. Un doublé, c'est-à-dire une pièce de Sinistros et une pièce de moi. Et on va revenir en onde tout de suite après ces trois pièces musicales, ma foi, fort intéressantes. Sodom, go! Take it.

6 ans, La Barrique est un magasin de bière situé à Trois-Rivières où vous pouvez retrouver le plus vaste choix de bières de microbrasques québécoises, des bières importées de différents brasseurs et brasques du monde entier, un choix de cidre de pomme, de panier cadeau, de jerky et sans compter les verres de collection et tous les accompagnements. Leurs judicieux conseils sauront vous guider dans vos choix et votre désir de découvrir. La Barrique, 4170 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Au plaisir de vous servir. La vie en mauve, c'est des entrevues, des invités spéciaux, de la musique de la Mauricie, des activités régionales, avec vos animatrices Karina Tardy et Mylène Martin. Ne manquez pas La vie en mauve tous les mardis de 18h à 19h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Suivez-nous sur notre page Facebook. Ce vendredi 24 janvier, au Colisée Trois-Rivières, assistez au match de hockey opposant les Patriotes de l'UQTR au Ridgeback de l'Université d'Ontario. Adultes, 8 $, étudiants, 3 $. Le hockey des Patriotes, une tradition d'excellence. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou! 20h03, et devinez où vous êtes. À réanimation, The Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, et ce, jusqu'à 21h, parce que pour ceux d'entre vous qui auraient osé manquer la première édition de l'année 2013-2014, la semaine dernière, ben, vous devriez savoir que maintenant, réanimation dure 2 heures. Oui. 2 heures, parce que... Ça nous tentait. Oui, ça, c'est la raison principale. Mais il y a une autre raison encore plus flagrante, c'est que c'est une heure de moins à nous endurer mutuellement. Ouais, toute la partie, cette maudite, on t'écœurait. Satan et la pièce Incantation. Mais quel excellent album. Oui, effectivement, Life Sentence, qui est paru le 29 avril dernier sur l'étiquette Listenable Records. C'était un excellent retour. Ce qui donne l'impression, c'est qu'on a fait pause en 87, puis qu'on a lâché le pause en 2013, puis ça continue, tu sais. Exactement pareil, ouais. Hein? Ouais. Bon, écoute, ça s'est figé dans le temps. Oui, ça a comme... Pour moi, il y a du Star Wars en dessous de ça. Oui. Ils ont été pris dans la carbonite ou quelque chose du genre. C'est fort possible. D'ailleurs... C'est quoi le truc qui traîne à côté de l'album? Ben, c'est ça, c'est la carbonite. C'est de la carbonite. Ah ben oui, il y a donc ça. Non, effectivement, c'est un album qui donne une suite extraordinaire à la dernière parution de Satan. Écoute, le deuxième album est passé un peu plus inaperçu que Court in the Act, le premier, qui, ben, selon moi, qui est un des meilleurs albums métal qui est paru depuis le début de ce genre musical. Et Life Sentence, et son égal. Ah oui, effectivement. Tout à fait. Et puis, le Rockmaster, Alain, me disait qu'il a été voir Satan quand ils sont venus cet automne à Montréal. Et semble-t-il que c'est très bon live. Hein? Sûrement. Très énergique. Les gars sont très, très en possession de leurs moyens et démontrent énormément de reconnaissance au public de leur permettre de se prosterner, c'est pas vrai. De se prostituer. De se produire, oui, c'est ça, de se prostituer. De se produire. Donc, comme je l'ai dit, moi, c'était Incantation et c'est probablement ma meilleure pièce de l'album. Et tant qu'à toi. Moi, j'ai choisi Cenotaph, qui est peut-être pas ma meilleure de l'album, mais qui. Qui est à moins pire. C'est pas à moins pire, non. C'est pas mal tout égal. L'album est tout bon de A à Z. Tu sais, il y a pas. Il n'y a pas un élément où il n'y a pas un 30 secondes que tu fais « Ah, c'est fatiguant, ça. » Non, ouais, c'est vrai. Tu écoutes l'album, monnaie, voyons, c'est déjà fini. Oui, effectivement, c'est le genre d'album. Quand ça fait ça, c'est gage. Ça veut dire que c'est bon. Là. Ben oui, tout à fait, absolument. C'est comme quand on écoute Gilligan, ça ne dure pas longtemps. C'est parce que c'est bon. Ah, c'est pour ça que je n'ai jamais écouté ça. Ah, et quand pas de culture, j'en écoutais en fin de semaine, là, puis j'étais crampé, là. Vraiment, là. Je me disais, ça me fait donc penser à Sinistros. Ben oui, c'était. Je l'aide à quoi, moi, là-dedans? Là, ça? Ben, pas mal Gilligan, m'a dit, là. Tu veux? Ouais, ouais. OK. Ouais. En autant, ça se trouve pas la vieille grébiche riche, là. Madame Howell? Ouais, c'est ça. Okay. Non, non, non, non, non. Puis je te verrai encore moins dans le rôle de Ginger, je vais te dire. Non, ça, c'est sûr et certain qu'on va se garder une petite joint. Oui, effectivement. On va poursuivre musicalement avec un de tes choix. Formation que j'ai découvert en 2013 qui donne dans une espèce d'un métal dette industrielle très ministriesque par moment. Puis il se permet d'inventer des termes. Ben oui, tant qu'à faire. Ces gars-là, c'est sûr et certain qu'ils ont été influencés par Uncle Al. Les Uncle Benz. Ben ça, je suis un peu moins sûr. Non, parce que les riz, ça constipe, hein? Ah, mais ils sont pas très constipés, ces gars-là, d'après ben, moi. Des fois, non, peut-être. OK, c'est vrai, t'as raison. Okay. Ils ont pas mal de laisser aller. Je pense que oui. Oui, effectivement. Justement, vu que c'est très ministriesque, ils se sont permis de faire une pièce qui s'appelle HWA. Oui. C'est un petit clin d'œil à NWO. Ben oui. De Ministry. Mais ils ont même poussé l'audace à sonner comme Ministry un peu par moment dans la pièce. Ah, oh, les coquins. Les petits niaiseux. Eh bien, on va écouter ça. Avec Monolith Dead Cult, avec HWA, qui veut dire Human Wave Attack. C'est paru sur l'album Tetragrammaton de 2013. Le 10 mai, effectivement. C'est paru sur Season of Mist. Et on va poursuivre avec un de mes choix qui est paru le 10 mai également, sur l'étiquette Nuclear Blast. C'est un album que j'attendais quand même depuis, je dirais, un bon 2 ans facile. Dernier album de formation Immolation, qui est une formation de death metal que j'aime beaucoup, beaucoup. L'album Kingdom of Conspiracy ne m'a pas déçu. Il fait partie de mon top 10. On entendra la pièce The Great Sleep. Tout de suite après cette formation de Monolith Death Cult, choix de Sinistros, est-ce qu'il apparaît dans ton top 10? Non, mais au moins dans le top 20, j'imagine. Faudrait qu'on regarde sur Internet. Non, il n'y a pas. Je sais, vous autres, allez voir. Ah oui, d'accord. Bon, allez voir sur le site d'Orlemort.com. C'est sûr qu'il est dans le top 30 à quelque part. Là, d'accord. C'est parti. Go. Go. Shall seek death, and shall not find it, and they shall desire to die, and death shall fly from them.

20h23. Sinistro, es-tu là? Eh oui, je suis toujours, toujours. toujours au poste, fidèle comme. Comment il appelle ça déjà, là? Un cerbère de la porte. On vient d'entendre la formation américaine Immolation et la pièce The Great Sleep. Très bonne pièce qu'on retrouve sur Kingdom of Conspiracy. C'est ça que je disais, The Great Sleep, c'est ça, je te connais. OK, ben oui, là, c'est parce que t'as encore plus de suite des idées que je pouvais. J'aurais pu en avoir ou j'aurais pu suspecter que t'en aies. C'est paru le 10 mai dernier sur l'étiquette Nuclear Blast. Auparavant, nous avions... Ben, Monolith Dead Cult avec un clin d'œil à deux yeux, finalement, de Ministry, avec HWA, Human Wave Attack. C'est paru sur Tetragrammaton, sur Season of Mist. Et c'est paru également le 10 de mai. Je suis loin d'haïr ça, Monolith Dead Cult. Non, c'est très bon. Oui, je trouve bon, ça bien. Ouais. C'est très... C'est le gros côté cybernétique que j'aime bien, là. Puis, ouais, c'est pas mal bien. J'aurais aimé vous parler, comme je le disais d'emblée en ouverture d'émission, de la Ciné Retro Undead. Je ne le pourrais pas parce que toutes mes informations sont directement sur le site web de réanimation et nous n'avons pas accès ce soir à Internet pour des raisons obscures. Donc, j'en ferai plus la semaine prochaine. Voilà tout. Par contre, je vous laisse prendre en note que ce vendredi, il y a un film qui sort au cinéma, film d'horreur qui s'appelle The Devil's Due, l'héritier du diable. Je suis allé voir les previews de ça, puis ça a l'air pas mal cool. Ça a l'air pas mal cool. Donc, ça sera en salle ce vendredi, soit le 17. Tu sais qu'il y a des rumeurs sur Star Wars présentement? Ben, il y a des rumeurs sur toi aussi. Là, ça veut rien dire, ça. Apparemment que J.J. Abrams aurait mis le script de Michael Arndt à la poubelle. Oui, puis sais-tu dans quelle poubelle qu'on allait le chercher? Non, mais apparemment, il va refaire le script au grand complet. Selon les rumeurs, le tome 7 réunirait le trio dévastateur de Harrison Ford, Carrie Fisher et Mark Hamill pour un dernier moment de gloire avant de laisser de la place aux rejetons dans le tome 8 et le tome 9. Mais là, l'épisode 7 se placerait où chronologiquement? Ben, ce serait... Là, on ne sait pas. C'est encore hypothétique de rumeur. Mais si tu regardes, selon les rumeurs, Luke Skywalker aurait un fils... Harrison Ford et, ben, dans le fond, Han Solo et Leia Organa auraient une fille. Fait que ce serait deux futurs Jedi. Apparemment qu'Obi-Wan Kenobi aurait une fille également. Ah oui. Fait que ça va faire comme l'ordre des Jedi qui reviendrait et d'autres rumeurs qui diraient que Yoda réapparaîtrait comme un... Sous la forme du Père Noël. Ben, un fantôme de la Force pour aller... parler à Luke comme Obi-Wan l'a fait. Comme jadis, effectivement. Mais pourquoi est-ce que le script a été mis aux poubelles? Parce que le script original de Michael Arndt rejetait carrément les trois antagonistes de la série originale. George Lucas était parfaitement d'accord avec ça et... J.J. Abrams a prouvé que c'est lui qui était le boss qui montait... Lui, il a voulu faire comme un gros clin d'œil au passé. Apparemment, il va faire confiance à un acteur de 71 ans, 62 ans et 57 ans. Alors, on verra bien ce que ça donnera. Ben, écoute, personnellement, Harrison Ford, oui, c'est un acteur de 71 ans. C'est un acteur qui a prouvé qu'il était un grand acteur quand il le voulait. Regarde, écoute, Carrie Fisher, c'était une actrice de deuxième ordre, oui, ouais, mais qui était quand même correcte. Plus qu'elle a vieilli, plus qu'elle a fait quelques bons rôles. Là. Tant qu'à Mark Hamill, c'est Star Wars qui l'a mis sur la map, parce qu'après ça, il n'a fait que des navets. Là. Il a fait des cochonneries. Là. Lui, il s'est caché derrière un micro, parce qu'il a fait beaucoup de voix pour des dessins animés. Oui, ou des effectivement. Trucs comme ça. Mais côté acting, il a fait quelques films, des séries, mais c'est très mauvais, là. C'est très, très mauvais. C'est le principe des One It Wonder, là, quelque part. Oui, tu sais. C'est sûr. Mais moi, je me dis à quelque part, écoute, tu sais, on écoute encore le 4-5-6, là. Le 4-5 principalement, là. Puis, OK, ça creuse pas l'écran, le role-playing de Mark Hamill, mais ça fait la job pour l'histoire. Je serais vraiment curieux d'y revoir. Là. Ben, moi aussi, de toute façon, très bien dirigé, d'après moi, à 57 ans, il doit être quand même capable de faire un job. Là. Ben oui, j'imagine, écoute. Il pourra pas faire pire qu'Anakin Skywalker. Ouais, ça, écoute, c'est discutable. Hein? Oui. Oui, c'est discutable, mais bon. Je préférerais de loin voir Carrie Fisher avoir Natalie Portman, moi. Parce que Natalie Portman, moi, je suis incapable. Ben, Star Wars n'était pas si pire que ça, mais elle fait des films un peu moins bons. On s'entend-tu? Ben, pas grand rôle. Non, là, c'est sûr. Là, quelques lignes, puis dis-la comme il faut sans te tromper, puis ça va être correct. C'est à suivre. On va entrer dans le mois, on va continuer dans le mois de mai en s'en allant vers la fin mai. En fait, on va y aller du 21 mai aller au 31 mai. C'est drôle, t'as choisi deux trucs que tu t'attendais pas. Ben, je m'attendais pas. Parce que moi, personnellement, c'est deux albums que j'ai pas réellement aimés. Oui, mais c'est parce que toi, t'as pas de goût. Non, moi, t'expliquer. Ces deux albums-là. Non. Ces deux albums-là de ces deux formations-là, j'ai trouvé que leur album précédent. C'était de loin supérieur à ce qu'ils ont sorti en 2013. Bon. Pourquoi j'ai choisi, on va les nommer, c'est-à-dire Udo et Anvil, soit respectivement Steelhammer et Hope in Hell, parce que ce sont des albums que d'emblée j'ai trouvé assez ordinaires. OK? Mais comme je l'ai expliqué il y a quand même un certain nombre de mois, j'ai commencé à avoir un regain vers le heavy metal plus traditionnel. Je me suis dit, ben pourquoi je laisserais pas une deuxième ou une troisième chance à ces bandes-là que je les écoute? Anvil, moi, t'as l'accordé, il y a un peu plus que la moitié de l'album qui est bon. Écoute, je l'ai pas mis dans mon top 10, loin de là. On s'entend? Udo! Mais j'ai trouvé cet album-là, il y a peut-être deux, trois tonnes de bonnes dessus, là. Mais moi, personnellement, j'ai trouvé ça tellement à la limite du Keten que ça a fait... Mais je suis Keten. Ah, OK, c'est correct d'avoir. Je suis Keten. Écoute, pourquoi tu penses pas des pantalons en macramé, là? Non. Je pensais que j'étais fou. Udo, oui, écoute, l'album de Udo, Stillhammer, je suis loin de trouver que c'est un album qui est parfait, loin de là. Je suis loin de trouver que c'est un album qui est tout bon. Ça, je te l'accorde. Rêve Raptor était pas mal meilleur. Mais je suis pas un fan de Udo, originalement. Ça fait là, Ben, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Puis, j'ai trouvé, principalement, la pièce que je vais passer, là, Devil's Bite, j'ai dit, wow, ben c'est, ça n'a pas rapport, mais qu'est-ce qu'il fait là? Puis finalement, je me suis dit, ben, c'est pas mal bon, ça. Puis, j'ai trouvé que c'était original. OK. OK. Mais inquiète pas, je ne passe pas tout l'album. Ah non, c'est tous les goûts dans la nature. Il y en a qui sont dénaturés, j'en conviens, dont je fais partie. Anvil, c'est correct. Il y a peut-être la moitié de l'album qui est bon. Ah, ben moi, je te dirais qu'il y a les deux tiers de l'album que j'apprécie, honnêtement. Donc, dans cette section-là, on va entendre à l'instant deux de mes choix, soit, on vient de le dire, Udo, la pièce Devil's Bite, tirée de Stillhammer, et tout de suite après, on va entendre Anvil, la pièce Flying, tirée de Hope in Hell, qui sont parus respectivement le 21 mai et le 27 mai. On va revenir en onde après, parce qu'on a un doublé pour la même formation, mais on vous dit pas c'est quoi. Un très bon doublé. Bon, fait que là, on va aller à Chalice Sinistros avec Udo et Devil's Bite. Puis ben, je vais probablement rire pendant ce temps-là. D'accord. Go. We'll be right back.

Wow! J'adore cette pièce-là. Oui, c'est une bonne pièce. Anvil est la pièce Flying que l'on retrouve sur la dernière parution Hope in Hell, qui est parue sur The Hand Records le 27 mai dernier. Et juste auparavant, nous avions le meilleur album de Sinistros, qui est son top 1 sur un top 1, c'est-à-dire Udo et l'album Steel Hammer. Ben, le pire, c'est que Rêve Raptor, il est très bon, mais celui-là, ça a fait... Il n'y a pas de pièces rapides. Le pire, là, c'est-tu quoi? C'est que ça me surprend que tu ne m'en aies pas parlé avant cette semaine, parce que ça fait quand même un bout de temps que tu as le playlist entre tes mains. Puis je n'endormais plus à nuit, moi, y en parler. La pièce de Udo, parue le 27 mai, était... De l'album, paru le 21 mai, pardon, était Devil's Bite. On entre dans un doublé qui, selon moi, va approcher le terme de cette édition de réanimation, parce que cette semaine, on a décidé qu'on commentait beaucoup, puis je pense que c'est correct de le faire aussi. Ça va peut-être nous permettre d'instruire un peu plus nos auditeurs qui sont profondément incultes. Oui. Tout à fait. Et j'étudie inculte, moi. Oui, tu peux leur dire. Profondément inculte. Oui. Bon, voilà. Tu te secondes la motion. Là, où je fais le trash metal, il y a d'autres choses dans la vie. Oui. D'ailleurs, on va aller vers une autre avenue, n'est-ce pas, avec ce doublé. Et tu peux nous présenter la formation? Ben, c'est une formation canadienne. OK, merci. Qui nous vient de Toronto. OK, de rien. Avec une jolie demoiselle à la flûte traversière et au vocal. Il n'y a pas d'indice, là? Vous ne voyez pas qui? Ben, Zamphir. Zamphirette. Ah, Zamphirette. Et Blood Ceremony, oui. Qui est le Jet Rotel canadien, finalement. Ben, écoute, c'est... Peut-on les qualifier de typiquement métal? J'en doute pas. C'est pas métal. Non. Surtout de l'album The Eldritch Dark. Non. Il n'y a pas grand-chose de métal là-dedans. C'est un hard progressif. Le précédent album, il y avait peut-être un petit peu de métal dedans. Le premier, peut-être un petit peu plus. Là, ouais. Il y avait tendance très Black Sabbathienne. Là. Oui. Mais non, là, c'est un album... même si ça passe à réanimation, ça accorde très bien. Ah, tout à fait, absolument. On peut considérer de psychedelic rock, peut-être. Ben, écoute, occult rock. Oui, c'est peut-être un bon terme, effectivement. Oui, effectivement. Ben, Goodbye Gemini, qui est tiré de l'album The Eldritch Dark, c'est paru sur Rise Above Records. Et toi, tu as choisi une moins bonne pièce, finalement. Ben, c'est ma préférée de l'album. C'est The Ballad of the Weird Sisters, que j'ai passé aussi à Rock Classique lors de la rétrospective 2013. Les choses intéressantes, c'est que autant la pièce de Sinistros, Goodbye Gemini, que la mienne de Ballad of the Weird Sisters sont parues tous les deux le 27 mai. Ben oui, c'est le même album en plus, gardons ben, ça! Ben, tabarnouche! Non, on est tout chanceux quand même. As-tu des copieurs, hein? Allons écouter ça, le sepa. Blood Ceremony, Goodbye Gemini. Thank you. dreamt of ideals. When at once we heard a thing, was it a devil or a snake? Had we heard the sound of laughter, that dangerous thing in me? A hidden path towards their dwelling place. Inside a fire was burning and the table had been laid. They offered us a strange food with the death bell of a taste. Shared tales of my past crimes. Indeed, I was not all alone to hear the strangled cries. My fellow and these sisters through this my in the inside. C'était excellent. Eh oui. C'était excellent. C'était Blood Ceremony. Et en ce qui me concerne, mon choix de pièce était The Ballad of the Weird Sisters. C'est tiré évidemment du dernier album d'Eldritch Dark qui est paru le 27 mai dernier 2013, bien entendu, sur Rise Above. Et Sinistros, tant qu'à lui, avait passé... Goodbye, Gemini! Oui, étrangement du même album. Ben oui. Je comprends pas, pourquoi tu choisis les mêmes affaires que moi? C'est pas. Moi non plus. Et j'avais eu l'occasion, comme j'ai dit tout à l'heure, de voir Blood Ceremony en première partie du premier spectacle que j'avais vu de Ghost. Il y a de cela, ma foi, au moins deux ans. Quelques jours. Oui, au moins deux ans. J'avais trouvé ça très bon. Et tu avais raison, à cette époque-là, ils étaient beaucoup plus Black Sabbath. Effectivement. C'était plus Stoner Doom, là. J'aime bien la direction qu'ils ont pris. Oh, et c'est plus occult rock, comme on disait tantôt. Tout à fait. Bon, l'émission tire à sa fin, évidemment, comme vous pouvez le voir, puisqu'il est pratiquement 20h58. La semaine prochaine, on terminera le mois de mai avec un choix de Sinistros qui est Chronic. Eh oui. On entamera le mois de juin. Mais en fait, on n'a rien retenu au mois de juillet, hein. Juillet, je pense pas. Non, on l'a absolument retenu. Il y a peut-être rien sorti, Marc. Tout le monde est en vacances de confusion. Oui, ça doit être ça. On va entamer la partie de juin avec les formations Megadeth, Black Sabbath, Calma, Facebreaker, et on va tomber au 2 août avec Exhumé. Et pour ainsi de suite, se rendre au mois d'août, au mois de septembre. Tu sais, dans ton mois de juin, il y a deux choix là, qui sont douteux. Là. Lesquels? Megadeth puis Calma. Ah non, Kingmaker est très bon. Pas Kingmaker, Super Collider est très bon. Je le trouve très bon, cet album-là. Ah ouais, tu l'avais descendu. Je l'avais descendu ouais. Et ça a fait exactement comme Anvil. J'ai réécouté cet album-là plusieurs semaines plus tard. Je dis, ouais, il est bon, cet album-là. Ah. Ouais. Fait que c'est la preuve que il n'y a que les fous qui ne changent pas d'idée. Donc, est-ce que ça fait de moi quelqu'un sain d'esprit? Non, pas du tout. Il reste le même. Donc, on se dit la semaine prochaine. Et en attendant... Ben, allez tous vous faire foutre. Comment? Allez tous vous... Faire foutre. Bye-bye.